Chapitre 22. Où Théophraste Longuet reprend goût à la vie et au timbre en caoutchouc. Il se distrait dans la fréquentation d'un boucher qui tue un veau tous les jours. Les os n'étaient pas brisés, et c'était tout juste. Quant aux plaies, elles exigèrent 6 semaines seulement pour se cicatriser. Théophraste ne souffrait pas, mais il dut garder le lit jusqu'au moment où il reconquit l'usage de ses jambes, ce qui n'arriva qu'à la fin du 2e mois. Cependant, ses oreilles le tracassaient toujours un peu, et l'eau bouillante qui y avait été versée avait cet effet de le rendre par moments tout à fait sourd. Pendant tout ce temps, il ne fit aucune allusion au passé. Je ne parle point de ce misérable passé qui se borne, dans l'esprit de tous, à ces quelques années qui se sont écoulées depuis notre dernière naissance terrestre, mais à l'autre passé, à celui dont la réapparition avait jeté un trouble si absolu dans la vie de cet homme. Et pour M. Le Camus, comme pour Mme Longuet, comme pour M. Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de Lanox, lequel était venu à son chevet rue Gérandeau, presque tous les jours, Cartouche était mort, bien mort. L'opération avait été extrêmement douloureuse, tellement qu'on avait pu redouter que Théophraste ne restât estropié jusqu'à la fin des derniers jours de sa vie actuelle. Mais, à tout prendre, elle avait merveilleusement réussi. M. de Lanox ne cessait d'en remercier Léon, source des éons. Théophraste, à qui on avait posé les dents nécessaires, ne zézayait plus. Enfin, il songeait à se remettre dans les affaires. Il avait quitté bien jeune ses timbres en caoutchouc. À 41 ans, il avait pris sa retraite à la suite de la découverte qu'il venait de faire d'un nouveau timbre en caoutchouc qui marquait non seulement l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la seconde, mais encore le temps qu'il faisait, ce qui, paraît-il, était de la dernière importance pour certaines industries. Son esprit était à nouveau occupé par une innovation incroyable qui devait bouleverser toutes les idées qu'on s'était faites jusqu'à ce jour sur les timbres en caoutchouc. Cette innovation était basée sur les derniers progrès de la cinématographie. Que vous dirais-je de plus? Quand il put marcher, il était redevenu si naturel que Madame Longuet et M. Le Camus purent croire que leur malheur à tous trois avait fatigué le destin. Ce que c'est que le cœur des hommes. Le moindre nuage qui passe à l'horizon les précipite à un désespoir hâtif, et ils ne croient plus au jour. La moindre lueur qui monte dans le ciel obscurci est une lueur d'espoir, et il ne croit plus à la nuit. Théophraste se levait de bonne heure, et après avoir déjeuné d'une tasse de chocolat et de rôti beurré, allait faire un petit tour sur les boulevards extérieurs. Il essayait ses jambes, il retrouvait leur ancienne élasticité, il s'arrêtait aux boutiques, regardait en détail le spectacle de la rue. Adolphe, dans les commencements, de loin le suivait. Il ne remarquait rien d'anormal dans la façon d'être de Théophraste. Et dans son rapport à M. de Lanox, se contenta de lui signaler ce fait, vraiment sans importance, d'une station un peu prolongée devant l'étal d'un boucher. Si cette station n'avait pas été quotidienne, elle eût passé inaperçue, même aux yeux avertis d'Adolphe. Théophraste, ses mains jouant derrière lui avec son ombrelle verte, regardait la viande saignante. Il avait aussi quelques petites conversations avec le boucher, un fort gaillard, carré des épaules, et qui avait toujours le mot pour rire. Un jour que M. Le Camus estimait que Théophraste avait passé beaucoup de son temps à l'étal du boucher, il le rejoignit, comme par hasard, et le trouva avec le patron, occupé à décorer de papillotes de papier frisé la viande toute fraîche. C'était bien inoffensif. Ainsi en jugea du reste M. de Lanox, qui écrivit en marge du rapport de M. Le Camus « Il faut regarder la viande saignante à l'étal du boucher. Il est bon de le laisser voir rouge de temps en temps. C'est la fin de la crise, et ça ne fait de mal à personne. » Cette boucherie était une petite boucherie qui avait sa spécialité. Il y a, à Paris, des boucheries où l'on ne vend que du cheval. M. Oudry vendait surtout, entre autres viandes communes, une exceptionnelle viande de veau. Ah, quelle viande de veau! Où M. Oudry faisait-il nourrir ses veaux? Quel régime les veaux de M. Oudry suivaient-ils avant que de se montrer dans tous leurs avantages à son étal? D'où venaient les veaux de M. Oudry? Autant de mystères impénétrables qui faisaient la renommée et la petite fortune de M. Oudry. Quant à moi, je crois bien que l'excellence de la viande de veau de M. Oudry tenait moins au traitement que subissaient les veaux vivants qu'à la façon dont il les faisait trépasser. Tous les bouchers à Paris reçoivent leur viande des abattoirs. M. Oudry, lui, recevait son veau vivant et tuait lui-même à sa manière. Je dis qu'il recevait son veau, car c'est un veau que M. Oudry tuait tous les jours que Dieu fait. Il ne tenait pas à vendre en grande quantité, mais il vendait cher, et il avait raison, car son mode de tuer, ou plutôt d'énerver la viande, faisait que celle-ci était tout de suite, à ne s'y jamais tromper, appréciée des amateurs. Il ne se contentait pas de ne point assommer son veau ainsi qu'on le fait aux abattoirs. Il le saignait à la mode juive avec un grand coutelas qu'il appelait le seigneur, sans s'y reprendre jamais à deux fois, c'est-à-dire qu'il lui coupait la gorge sans revenir dans la blessure. En outre, il ne manquait point de rejeter un veau dès qu'il était trèfle, c'est-à-dire dès qu'il avait quelque petite maladie de la fraissure. Enfin, il y avait la façon dans tout cela. M. Oudry avait, dans le plus grand mystère, expliqué son cas de sa viande de veau à M. Théophraste Longuet, qui y avait pris un évident plaisir. Si bien que Théophraste, après avoir prêté l'oreille à la théorie, devant l'étal, avait manifesté le désir d'assister à une leçon de pratique. Dans une petite cour adjacente à l'étal, M. Oudry avait un abattoir clandestin. Certains matins, Théophraste, qui était survenu de meilleure heure que de coutume, trouva son homme à l'abattoir avec son veau. Le boucher pria Théophraste d'entrer, et les portes se refermèrent sur eux. « Je m'enferme tous les jours ainsi avec un veau vivant, » dit M. Oudry, « et quand les portes de l'abattoir se rouvrent, le veau est mort. Je ne perds pas mon temps. J'ai opéré en 25 minutes. » Théophraste le félicita. Il lui demanda quelques explications, s'intéressa à tous les objets qui frappèrent son regard. Le soufflet avec ses grands bras attira son attention. Il demanda comment cet instrument s'appelait, et on lui répondit que c'était un soufflet. Il vit aussi le treuil. Il apprit que cette forte barre de chêne munie de chevilles, qui était suspendue au treuil, s'appelait tinée. Il admira la solidité de ce brancard, également de chêne, qui a nom étou. Une hachette qui traînait fut appelée feuille. Mais ce qui l'intéressa davantage, ce fut, suspendu au mur, la boutique. Dans cette boutique, qui était une sorte de sacoche pour coutelas, il vit d'abord le seigneur et se complut à passer tout doucement son index sur la lame longue, forte et affilée. Et puis ce fut le couteau, plus petit, dénommé moutonnier, occupé d'ordinaire à dépecer le mouton, comme son nom l'indique, mais qui servait là pour certaines parties du veau. Puis d'autres petites lames, dont la lancette, pour fleurer le veau. Fleurer le veau consiste à faire de légers dessins artistiques, du bout de la lame, sur la peau du veau, une fois qu'il est blanchi. Ce jour-là, comme je vous le dis, l'instruction de M. Théophraste Longuet porta sur les outils. Mais il fut dans la nécessité soudaine d'interrompre cette leçon, à cause de ses oreilles, qui, une fois de plus, n'entendaient plus. Cette petite infirmité passagère était bien désagréable, mais les jours suivants, ayant recouvré toute sa faculté auditive, il assista à toute l'opération, dans les détails de laquelle il entra sans trop de répugnance. Il se contentait de dire tous les jours, en s'en allant, en manière de plaisanterie, « Vous tuez tous les jours un veau, vous devriez vous méfier, vous verrez que ça finira par se savoir chez les veaux. » Théophraste n'était pas paresseux. Un jour que le jeune néophyte qui aidait M. Oudry à attacher le veau s'était attardé à quelque flânerie, il attacha lui-même la patte de derrière du veau, cependant qu'avec ses longes, M. Oudry attachait les deux pattes de devant au même étou. Une patte restait libre, c'était la manière. M. Oudry s'approcha de la gorge du veau avec le seigneur. « Dire, fit-il avec mépris, dire qu'il y en a qui les assomment, ça marque toujours la tête. »« Évidemment, » confirma Théophraste, « quand on assomme, ça doit marquer la tête. Il se forme un dépôt de sang, c'est un crime. »« Oui, oui, c'est un crime. » On ne tue pas une bête en lui fichant un dépôt de sang. Tenez, avec le seigneur, il ne faut qu'un coup, et un coup. Ha ha, un coup et un coup. Ha, comme cela. Ha ha, comme cela. Ah, on dirait que j'ai été bouché chez les juifs. Ha ha ha. Ah, ah, ah, le sang pisse. Regardez les yeux du veau pendant que le sang pisse, dit Théophraste. « Qu'est-ce qu'ils ont, les yeux du veau ?» demanda Monsieur Oudry. « C'est des yeux comme tout le monde. »« Regardez les yeux du veau qui vous regardent. »« Ses yeux sont morts. » »« Ils sont morts, mais ils vous regardent. » »« Eh bien ?»« Eh bien, vous n'avez pas peur des yeux d'un veau mort qui vous regarde ?»« Félicitations, Monsieur Oudry, félicitations. » « Vous voulez rire ? Ah non, permettez, c'est vous qui riez. Moi, je me garde à carreau. Le veau le voit bien. Tant pis, Monsieur Oudry, tant pis. Rira bien qui rira le dernier. » Mais déjà, Monsieur Oudry, qui n'avait pas de temps à perdre, brochait le veau avec son fusil, près du nombril, et enfonçait dans l'incision le bout de son soufflet et soufflait. « Regardez comme il gonfle bien. Il ne sera pas bien difficile à blanchir. » « Moi, je le souffle toujours. Sans ça, j'estime que c'est du mauvais travail. Du côté d'Orléans, on ne le soufflait pas autrefois, mais ils y sont revenus. »« Il faut reconnaître ses erreurs, » dit Théophraste. Monsieur Oudry finit de décoller la tête et coupa les quatre pieds au joint. Puis, d'un grand coup de son couteau, il pourfendit l'animal de haut en bas et en croix d'un jarret à l'autre. Puis il le blanchit, c'est-à-dire qu'il enleva le cuir de dessus le ventre et dessina sur la peau de petites choses aimables avec sa lancette. Puis, quand le veau fut fleuri, M. Oudry lui ouvrit le ventre complètement, lui trancha le quartier de derrière et dit « C'est le cul de veau !»« Pas mauvais à la casserole, avec des carottes, » fit Théophraste. Et Théophraste aida M. Oudry à attacher les pattes de derrière au tinet qui fut hissé à l'aide du treuil. Le veau était suspendu. Le boucher le vida de ses boyaux, de la fraissure, du riz. Il souffla la fraissure, ayant mis le cornet dans sa bouche. Les poumons étaient roses et volumineux. Théophraste félicita M. Oudry sur l'excellente santé du veau. Il examina également le cœur et la rate et dit « bonne constitution, il était fait pour vivre 100 ans. C'est un pauvre malheureux veau. » Pendant que M. Oudry dépouillait le veau de ce qui lui restait de cuir dans le dos et l'habillait d'une belle nappe blanche pour l'étal, Théophraste avait fait friser la fraise dans l'eau bouillante. Puis il demanda à son ami le boucher de lui laisser la toilette de la tête et des quatre pieds. Il y avait près de là de l'eau très chaude dans une chaudière. Il y jeta la tête et les quatre pieds. Puis il reprit la tête et au-dessus de la chaudière en gratta avec force le poil, l'échauda, le raffina et prit tout son temps pour lui nettoyer les oreilles. « Les oreilles, » fit-il avec une joie d'ange, « les oreilles, ça me connaît. » Et tout de suite, il acheta la tête de veau tout entière. Monsieur Oudry voulut la lui faire porter à domicile, mais il refusa et il la disposa avec soin au fond de son ombrelle verte, retournée, qui lui servit de panier. « Au revoir, Monsieur Oudry, » dit-il, « au revoir. » J'emporte ma tête de veau, mais je vous ai laissé les yeux. Je n'aime pas que des yeux de veau me regardent comme ces yeux-là vous ont regardé tout à l'heure. Les yeux de veau morts, c'est méchant. Vous riez, Monsieur Oudry, c'est votre affaire. Félicitations, Monsieur Oudry, félicitations. Mais ça finira par se savoir chez les veaux. » Et il rentra chez lui. Quand il se montra avec son ombrelle verte et sa tête de veau, Adolphe et Marceline sourirent. « Ils s'amusent, » dit Marceline. « Ce sont des jeux innocents, » ajouta Adolphe.